mon amour, si à moi, quoi que j'en cours, qui à moi, toi mon amour. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, Radio Sud, on est là. 101.8, Radio Sud.net. L'émission spéciale MA2D ce soir. Ils ont fait la route depuis Vesoul dans une chaleur tropicale. T'allais dire quoi, toi, encore? Que dalle, de la que merde, dalle. Comme d'hab. Bah, si, si. Ça va ou quoi, les gars? Ça va. La route fut bonne. Ouais, ça va. 30 minutes, on a mis. Ouais, ça va. C'est vrai que c'est... Putain, en fait, je pensais que c'était plus loin, moi, Vesoul. Tu vois, je disais 40 minutes, 45 minutes. Ça roulait bien, ça va. Je vois qu'il y a Jeff qui est là, Jeff Prod. Ouais, big up, ma gueule. On est là. WRC Prod aussi, il y a du monde. Est-ce que vous pouvez un peu présenter les gens qui sont là, autour de vous? En fait, là, il y a pas mal de personnes du collectif. Ok. Parce que j'ai créé un collectif atypique. Ok. Et donc, du coup, ils sont là pour donner de la force. Si, si. Attends, excuse-moi, j'ai reçu un petit truc en plein milieu. Pas de soucis. Clac, clac. C'est bon. Ok, donc ce soir, l'émission spéciale MA2D. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. On est là jusqu'à minuit. Bon, normalement, on a une heure, mais si ça déborde, c'est pas grave. On n'a rien prévu en deuxième heure. Donc, on prendra notre temps pour tout décortiquer de A à Z. On t'a prévu une interview, des petits jeux, plein de petits trucs. Ouais, tu verras, tu vois. Okay. Et tu nous présenteras un peu tes projets, les sons que tu m'as envoyés. Mm-hmm. Et évidemment, on finira par le freestyle, tu vois. Là, je vois déjà qu'il y a des gens qui suent de partout. Ah ouais. Après, ça va finir en bagarre cette histoire. Ouais, ouais. Non, mais tu sais quoi, au pire, laisse ouvert la porte là, parce que là, sinon, on va crever là-dedans. Donc, MA2D, je t'explique un petit peu. Nous, on a un rituel en début d'émission avec les invités. Ouais. En fait, on s'est amusé à faire un jingle. Je t'ai pas présenté Jounes, en fait. Jounes, c'est mon acolyte d'émission. Mm-hmm. Un rappeur qui a raccroché les crampons. Comme ça, je te vois quand tu vois. Ouais, c'est vrai que la lampe est au milieu là, c'était. Et ouais, excuse-moi, je sais plus ce que je te disais du coup. C'était pour un. Tu parlais de jingle. Crampons, quelque chose comme... Non, le jingle, jingle. Ouais, voilà, je te parlais du jingle. Oh là là. C'est vrai. Petit rituel de début d'émission en fait. On fait un jingle, mais c'est toi qui le fais en fait. Je vais t'expliquer. Jounes, est-ce que tu peux mettre notre jingle, s'il te plaît? Ah, ça sème, droit ça sème, je vais le balancer fort. Droit ça sème. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Donc tu vois, ça c'est notre jingle fait avec des ficelles et des bouts de papier. C'est bien, c'est propre les gens. Et on aimerait bien, en fait, on propose à chaque invité de faire son jingle. Tu vois, donc en fait, tu nous fais, je sais pas, un petit big up, tu dis ton blaze. Je peux faire même un 16 mesures. Hein. Si t'as envie de balancer okay, un 16, tu fais ce que tu veux. Radio Sud 101.8, Radio Sud.net, pour ceux qui sont sur Internet. Tu fais ce que tu veux. Tu vois. Okay. C'est okay, bon pour okay. toi? Ouais, c'est bon pour moi. Yes. Jounes, balance-nous le petit jingle et puis après, c'est parti. Là, ça sème, vous allez raquer. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Pas trop, frère, pour la 25e, big up Ciao et puis Younes. 22h, minuit, c'est pour tous ceux qui les connaissent. Ça se passe tous les jeudis, tu peux les retrouver sur le net. Okay. Si, si. Okay. Je crois que t'es le premier qui fait une vraie impro en fait. Il augmente le niveau. C'est bien, mais mon boug. Ouais. Tu m'as appelé Jounes. Jounes, pardon. Déjà, on va commencer tout de suite. Déjà que sur ta publication sur Insta, t'as identifié un tonton de je sais pas où. Je sais hein? plus. T'as Insta là, t'as accès à ton Insta. Là, je sais pas si j'ai le réseau. Non, je crois pas, faut ça. Que tu montres. J'ai pas vu ça. T'as identifié un tonton de je sais pas où, t'as mis Chao, t'as mis Jounes. Je vais te montrer ça très vite. Tu nous as sorti quoi? Hop. Ah ouais, donc attends, sache attends. que avant de faire l'interview, on fouille tout ce qu'on peut. On va essayer de tout retrouver, de tout, tu vois. C'est quoi alors? Est-ce que un des deux bougs me ressemble? Ou quel boug? Après, il a plusieurs vies, lui, donc peut-être que, tu vois, on sait pas. Ah, moi, il y a des publications, c'est... Gros, c'est pas moi, je m'occupe trop de ça, tu vois. Donc, ok. Là, pour le coup, ça va, t'as réussi à t'en sortir sur ce coup-là. Moi, je vous ai mentionné, t'as vu, même j'ai bien fait l'association de la radio, t'as, normalement, c'était ça, je me suis trompé. Il y avait juste Younes, quoi. Bah, on va t'appeler Younes. Younes. C'était lourd, c'est le premier à faire ça, mais vas-y, la prochaine fois, mets des trucs. Je veux des likes, moi aussi, toi. Ok. Alors, sur quel réseau on peut te retrouver? Sur tous les réseaux. Hein. Snapchat, Insta. Là, j'allume FB. Instagram, je fais recherche, je mets quoi? MA2D officiel. Tout attaché? Ouais. Ouais. Pareil, Snap. Pareil. La chaîne YouTube aussi, pareil. Ouais, tout pareil. Ouais. Donc, MA2D officiel, c'est tout attaché. Vous pouvez aller vous abonner dès maintenant, envoyer les messages. Pour ceux qui écoutent, qui entendent, à Vesoul, à Maison Alfort, voilà, jusqu'à tu là-bas, tu vois. Ouais. Abonnez-vous. Ce que je te propose, tu m'as envoyé 6 morceaux. Ouais. Tu m'as envoyé 6 morceaux. Je vais te laisser faire la playlist comme tu veux. Donc, ça veut dire que... Attends, je regarde mon interview. Clac, clac, clac. À chaque fois, je diffuserai 2 morceaux. Ok. Tu vois. Donc, après, c'est toi qui choisis. On va commencer. On va commencer avec Maître Splinter. Hein. Maître Splinter. Il est dispo en plus sur les plateformes, tout ça. Donc, Attends, je le cherche. Hein. Tu veux que je comble le silence? Ouais, comble. Hein. Vas-y, je vais faire un freestyle. Hey. MC Younes. C'est ma nouvelle identité. Ok, donc Maître Splinter, tu nous as dit le clip est disponible? Ouais, c'est ça, sur YouTube. Yes. Qui a réalisé le clip? Alors, tout ce qui est là, sur ce clip, la production, la réalisation, tout ça, c'est tout le collectif Atypique. Ok. On en parlera après du collectif. Pas de soucis. Ça ne t'arrange pas. Non, pas de soucis, avec plaisir même. Donc, Maître Splinter en premier, puis je balance lequel dans la foulée? Après, on va mettre le prochain là qui va sortir, Passe à la caisse. Passe à la caisse. Yes, donc c'est l'émission spéciale MA2D ce soir. Il fait chaud, il fait très très chaud. On va balancer Maître Splinter et Passe à la caisse. Écoutez, mettez du son. Pour tous ceux qui veulent retrouver, c'est MA2D officiel sur tous les réseaux. Yep, la 25e. La bagarre. Yeah. La bagarre. De ton gamos petit, mais je crois que tu n'as pas l'âge. Lourd comme Sergio Ramos, donc c'est sur le sol qu'on te ramasse. Faut que je fasse du rallye pour que maman ait son palace. Si t'appelles la police, c'est normal qu'on te laisse des balafes. N'aura pas pris du grade, c'est normal, moi j'étais pas là. Un vrai gars, ça se fait rare comme un Qatar qui te met des bananes. Vas-tu piche cette année, je fais du sale, un truc de malade. J'écris ma story, les gars, moi j'écoute pas vos salades. Personne m'a validé, pour toi au microphone, je me balade. Rien que j'esquive les coups, j'ai placé aussi quelques parades. J'ai vu ce qui s'écoule, maintenant je dois éviter les barrages. Dehors, ça rigole, hop, ça te nique ta mère, même si t'es baraque. Les mecs n'ont plus de remords, viennent te chercher même dans ta baraque. Ma va vaut de l'or aussi rare que du 24 carats. Je les baisse tous à moi, et pourtant, frère, je ne suis pas le parrain. Faut que l'état français, big up, pas j'en peux avoir. Frérot, mais dis-moi qu'est-ce que tu connais. T'as sucé la bite à la plupart de tous tes collègues. T'as fait pour le son, mais là crois-moi t'as plus mes drôlèges. Bien sûr que je suis allé, tu sais bien que Dieu nous protège. J'pourrais plus m'arrêter à mon fils, j'ai fait la promesse. J'sais que ça peut être pire comme finir avec des prothèses. Mais y'a pas de galère, j'vous baisse tous à bon entendeur. types sont loin, pas du camas dans des Kinder. T'as tout fait ta go pour toi, elle fait des pouces sur Tinder. Mon son est trop serein, un petit peu comme Maître Splinter. Devant la police, tu deviens le dernier des sprinters. J'ai beaucoup de princes, je pourrais pas serrer ta petite sœur. On sait que t'as des riches, demande à Kim Basinger. C'est ce qui me fait sourire quand y'a plus le keuf dans le secteur. Je ne veux pas souffrir, un peu comme un Hannibal Lecter. Rien que je monte en grade, bientôt je deviendrai inspecteur. La 25ème, on est là. Maître Splinter, MA2D, on va balancer la suite. Passe à la caisse, c'est bientôt dispo. Chier. Passe à la caisse, passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse, mon son dans ta caisse, man. Passe à la caisse, passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse, mon son dans ta caisse, man. T'es dans les strass et paillettes, cocaïne dans les toilettes. Vraiment t'as perdu la tête, j'crois que mes renois vont te wet. J'ai vu ta raclée twerk, elle se prend des claques sur les fesses. Elle a retiré sa laisse, toi t'as retourné ta veste. Sous l'encole t'es pas le best, mais tu aimais de ton destin. J'ai dû camasser de l'herbe, 2019 ça sent le festin. Et j'ai confiance en mon destin, à la fin je sais qu'il n'en reste qu'un. Fiston le nez dans les bouquins, fuck l'amour c'est le boudin. 3-5-7 sous le coussin, 2018 que l'étape. Toshi ton diarrhée du sape, sortez pour les nouvelles sapes. Suisse des bites pour pêcher au balme. Bah les coups ça me regarde ap. C'est pour ça même que je vous zappe. C'est pour ça même que je vous zappe. Passe à la caisse, passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse, mon son dans ta caisse, man. Passe à la caisse, passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse, mon son dans ta caisse, man. Passe à la caisse, passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse, mon son dans ta caisse, man. Passe à la caisse, passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse, mon son dans ta caisse, man. Chacal ici c'est la hesse, déterminé comme un perse. On sait très bien que t'as percé, t'es reparti l'élève gercé. Après l'amour elle me dit merci, j'rêve de remplir Paris Percy. Mais c'est perdu comme le jersey, j'les prends de haut pour les vexer. Leur flow est sorti des WC, y'a fois y'aura pas de blessé. Rappeur on le bat du PC, j'vous ai doublé sans faire exprès. Crois-moi les keufs c'est des experts, y'a pas de bluff ils sont des terres. 100 kilos DCCP, père. Comme un daron toujours sévère. Je veux délover des billets verts. Pour ça les frères je vous emmène. Bouge la tête et je t'emmène. Loin de la haine et ses problèmes. C'est un mama quand je t'aime. J'ai la recette et le cocktail. J'ai la recette et le top 10. Je m'approche bientôt de la trentaine. Je suis pas tout seul dans ma gamberge. Un jour ou l'autre tu vas tout perdre. Tu seras pas touché si t'es couvert. Regarde à qui tu nous compares. Un penalty laisse des cocards. Entre et nous y'a trop d'écart. Cours pas plus vite que le guépard. On vous la mise dès le départ. On vous la mise dès le départ. On vous la mise dès le départ. On vous la mise dès le départ. On vous la mise dès le départ. On vous la mise dès le départ. Passe à la caisse. Passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse. Mon son dans ta caisse, man. Passe à la caisse. Passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse. Mon son dans ta caisse, man. Passe à la caisse. Passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse. Mon son dans ta caisse, man. Passe à la caisse. Passe à la caisse, man. Mon son dans ta caisse. Mon son dans ta caisse, man. C'est la 25ème, l'émission spéciale MA2D. Jounes, tu nous balances un petit jingle ou quoi? Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Du coup, j'avais une question là qui m'est venue tout de suite. Et j'arrête pas de dire MA2D, MA2D, mais on dit MA2D ou on dit MAD? Peut-être, tu vois. Non, mais c'est non, vrai, tu vois. MA2D. Ouais, MA2D, ouais. Ok. Mais que je fasse pas de conneries tout le long et tu vois, à la fin, on me dit en fait, c'était MAD, tu vois. Non, MAD, justement, je voulais le prendre, mais c'était déjà pris. Ok. Ah, MAD. MA2D aussi, c'est bien pris, hein. Non. Il y a une entreprise de construction qui s'appelle MAD. Ah, il a fait des grandes recherches, hein. Il y a une entreprise de construction qui s'appelle MA2D. Non, on n'est pas dans le bâtiment. C'est pas dans le bâtiment. Non, je vais faire juste la police, là, vite fait, là. J'ai lu ton interview que tu avais fait pour je sais plus quel l'article que tu as publié sur L'Est, non? Non, je crois c'est pas que c'est L'Est, c'est un la presse ouais, de Vesoul. Ouais, ouais. Dedans, tu nous dis que dans 15 jours, il y aura le clip. Ça a été publié le 25 avril. Ouais. Donc, on est en retard dans les délais. 27 juin moins 25 avril, ça fait pas 15. Hein. Ah, ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on avait des problèmes avec en interne, tu vois, avec les ingés et tout ça. Okay. Ils ont volé la caisse? Non, ils ont pas volé la caisse, mais ils ont pas sorti les projets en temps et en heure. Ok. Donc du coup, on a été un peu retardé, mais là, il arrive très très bientôt. Là. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Du coup, t'as quel âge, toi, en fait? Moi, j'ai 29. 29, hein? Ouais, j'ai vu. T'as un 90 aussi? Ouais, c'est ça. Ouais, calmez-vous, calmez-vous. Tiens, petit Rem, pousse-toi, va. Ils sont là, les grands. On est des anciens, mais tu vois, on n'est pas trop anciens non plus. On ouais, est... ouais. Entre deux. Entre deux. Entre deux. T'as commencé à quel âge, le rap? Le rap, j'ai commencé à 13 ans. Ok. Parce que du coup, j'ai vu que tu venais de Maison Alfort, ouais, de base. M.A. 94. M.A. M.A. T'as commencé là-bas ou... Ouais, ouais, j'ai commencé là-bas et tout. Mais si tu veux, je me suis jamais mis sur les réseaux, moi. Ok. Ça fait que 2 mois, là, on est sur les réseaux. Ouais. Yes. C'était quoi ton blaze avant? Oh, moi, j'ai beaucoup de blaze. Parce que... Pops, Masta, Vini. Parce qu'il y a un truc qui frappe, c'est que t'arrives en mars, fin mars. Ouais. Il n'y a aucune trace de toi avant. C'est suspect, tu vois. Non, c'est pas suspect. Deux doigts d'appeler les keufs. Non, pas du tout. C'est juste que, comme je t'ai dit, moi, j'ai fait beaucoup de sons, tout ça. J'avais beaucoup de yaourts, beaucoup de trucs. Mais j'ai jamais voulu sortir parce qu'à Paris, t'as vu, c'est un peu bizarre. Ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai pas voulu. Et il y a juste ici, que dans la région, un mec de Vesoul, hein, qui fait partie du collectif et tout, qui m'a... T'as chauffé, il t'a... Ouais, mais boucané. Avec la direction aussi qui va avec, tu vois. Ok. Ok, ok. Très bien. Ok, donc depuis tes 13 piges, MA2D, c'est quoi? C'est ton... Du coup, c'est un nouveau blast qui est arrivé? Non, il est quand même construit et tout. Ok. C'est quoi? Si tu veux, moi, je suis converti à l'islam maintenant depuis 4 ans. Yes. Et moi, je m'appelle Madani avec mon prénom de la conversion. Okay. Et les gens m'appelaient beaucoup Mamad, Mad. Ok. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, Mad, c'est déjà pris. Ok. Et du coup, moi, j'ai rajouté le 2. Yes. Et ça fait MA2D. Ok. T'es de quelle origine? Je suis ivoirien, moi. Ivoirien. D'ailleurs, tu sais quoi? T'es ivoirien, toi aussi? Ouais, mais ouais, je voulais pas le dire. Aller faire des annonces comme ça? Non, non. En fait, tu vois, j'ai publié ton... Tu vois, la photo de l'émission de ce soir, tu vois. Et direct, j'ai reçu 3 snaps. Direct, ils m'ont dit, mais wesh, on dirait le petit frère à Caris. Nanana, tu vois, parce que, tu vois, avec la pose comme ça, avec la pose et tout. Et puis après, en recherchant, je vois Côte d'Ivoire. Je dis, ah, les gens, ils me disent Caris. Est-ce qu'on t'a déjà dit? Oui, oui, très souvent. Okay. Très, très, très, très souvent. Et tu vois, du coup, là, je regarde les SAP aussi. Ouais, clac, clac, clac. Peu. Tu vois, c'est quoi le jeune riche? Tu vois, ça m'a fait penser ouais, lui, un peu. Ouais, lui, il a fait jeune riche. Yes. Est-ce que s'il a, par exemple, un petit, il te voit dans la rue, il te dit... Ah, tu me fais penser à Caris. Ça te fait quoi, toi? Ça te ferait... Ça m'est déjà arrivé, je rigole. Je dis, mais non, je suis pas Caris. Ok. Yes. Parce que tu vois, moi, ça m'a... Ouais. Sur Snap, hein, tu connais Snap, les gens, ils réagissent, tu vois, à chaud comme ça. Mmh, je suis d'accord. En dehors du rap, tu fais que ça ou tu bosses ou tu sais pas, tu vois? Ouais, bah, j'ai envie de te dire, on n'a pas le choix, tu vois, travailler, c'est quand même la base et tout. Et sinon, moi, je suis à la base coach sportif en salle de muscu et tout. Ah, ah bah tiens, t'as un client. J'ai un client pour toi, là. J'ai un grand client pour toi. Il y a Younes. Bon, là, tu vois, là, je suis plus trop dedans, tu vois. Ça fait longtemps, mais si, il y a pas de souci. T'inquiète, tu vas me faire un tarif. Tu connais. Le dernier, c'était... Il y a déjà un gars qui est venu sans froid. Il est venu, il avait un coach. Ouais, mais c'est pas bon. À chaque fois, il se rencarde, tu vois, avec les mecs. Puis au final, regarde, il arrive comme ça. Ah, là, tu vois, c'est pas bon. Là, je vais avoir les bras à Caris. Là. Bon, là, je suis là. Là, je te jure, frérot, j'ai perdu au moins 15 kilos, gros. J'ai rien. Là. T'as perdu 15 kilos? Depuis que je suis dans les réseaux tous, je fais plus. Les réseaux te font perdre 10 kilos? La musique, ouais. Ah, ok. Ah, tu transpires en cabine, toi. Putain, tu donnes tout. Donc sportif dans l'âme, tu fais que muscu ou... Ouais, moi ma spécialité c'était muscu. Ouais. Est-ce que t'es un mec des séries, des films, des trucs comme ça toi? Pas du tout. Pas du tout. Manga, dessins animés, non. J'ai pas le temps. Un jour je pourrais me permettre, ouais, mais là je peux pas. Ok. Non, parce que je t'ai demandé par rapport à la référence Maître Splinter, tu vois, je me suis dit ça se peut, c'est un gars, il se tuait à Tortue Ninja, tout ça. Non, mais par contre on voulait faire un clin d'œil à Maître Splinter de Tortue Ninja, mais après le budget... juste pour ce personnage-là qu'on voulait mettre dans le clip, ça revenait trop cher. Okay. Du coup, on l'a enlevé. La prochaine fois, dis, je connais quelques tortues. Hein. je t'envoie ça. Voilà, bah, je te présente Jounes. Tu commences à le comprendre là. C'est un blagueur, c'est un blagueur. Même pas, gros. un peu. Écoute, moi, j'ai un petit jeu à te proposer. C'est très simple. Mm. C'est un texte à trous. Je commence le début du texte, tu finis le texte. C'est très simple. Tu vas comprendre très vite. Ok. Ma première phrase, c'est « Si je devais me définir en un mot, je dirais que je suis… » Je suis quelqu'un de hanin, tu vois. J'ai un bon cœur, je trouve. Ok. Donc, je veux aider les gens. Ouais. J'ai failli demander à Théo2S de nous dire le mot hanin. Non, mais il a des grandes difficultés avec la prononciation des mots arabes. Ça va partir en portugais. Bah voilà, okay. Quoi, j'essaie d'aider un maximum les gens. Frère. Ok. Pour ça, yes. D'ailleurs, qu'on a créé le collectif, tout ça. Si. On va y venir au collectif parce que ça m'intrigue tout ça. Une des choses que je regrette le plus, C'est d'être loin de mes enfants à cette heure-ci. Là. Ah, ok, donc t'es papa aussi. Ouais, et mes enfants sont sur Paris, justement. D'accord, ok. Ok. Mes deux plus gros défauts sont. Je suis un peu jaloux, même beaucoup jaloux. Et je suis peut-être un peu trop perfectionniste. Ouais, c'est une qualité, un défaut aussi. Hein. Ça dépend. Hein. Ouais. Des fois, ça peut aller loin. Ouais. Ouais. Là, t'as dit un défaut d'entretien d'embauche, là. Calme-toi, je suis perfectionniste, mais calme-toi. Ah, j'aime bien quand c'est carré, quand c'est propre. Ouais. Ok. Mes deux plus grosses qualités. Je suis perfectionniste. Direct. Qualité, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de bon. Et puis voilà. On est là. Hein. La bonté, ouais, la bonté avant tout. Ouais, voilà. Après, c'est... d'autres qualités, tu vois, je peux pas me juger moi-même. Pour dire les qualités, je sais pas trop. Je vais demander à Jeff de souffler. Et là, si tu devais citer deux qualités qui définissent MA2D là tout de suite. Moi, je dis, il fait rire déjà. Ah ouais? Ouais, il est marrant. Ah ouais? Il est marrant. Là, il est timide, mais il est marrant. Fais-nous une blague. Là, c'est l'effet radio, ça, c'est normal. après, tranquille, après la radio. Non, il a la facilité à s'adapter à une instru, il fait ce qu'il veut en fait. Okay. Il nous balance n'importe quoi. Non, ça c'est. Merci. Ok, attends, je retiens du coup, parce que j'ai plein d'instru là, tu vois. Ok, très bien. Si je devais définir mon rap, je dirais qu'il est. Allez, t'as trois solutions possibles. Si tu non, même une, il est pour tout le monde. Universel. C'est justement pour ça que je l'ai fait. Ok. Parce que du coup, moi en écoutant, tu vois, j'ai vu Maître Splinter. Là, tu nous as passé, Passe à la caisse. Ouais. Et j'ai vu le choix des instrus aussi, tu vois. Et je me suis dit, mais dans quelle case on peut le mettre, tu vois. C'est ça. Bah moi ça me plaît ça. Ok. Parce que universel, touche à tout. Atypique, tu vois. Ok. Yes. T'as écrit sur le t-shirt, t'es bête ou quoi? Non. En gros. Okay. Mais ça je le dois, tu vois, à la rencontre que j'ai eue avec le gars de Vesoul, comme je t'ai dit. Okay. C'est qui ce gars? C'est Mikey. Mikey Day. Ah, il se cache là-bas en plus. Il est parti loin. Parce Mikey. Que tu vois, même si on écoute bien la mixtape et tout, c'est un peu street. Et moi, avant, j'étais que comme ça et tout. Mais j'ai plus envie de faire ça, tu vois. J'ai envie de faire vraiment de la musique qui touche tout le monde. Ouais. Tu t'es ouvert un petit peu à ça, autre chose. C'est ça. Ok. Chose que j'aurais jamais faite avant. D'accord. T'avais besoin, du coup, d'un avis peut-être extérieur. Ok. Très bien. Moi, juste, M2D, je vais te faire. Allô? Salut, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Allô, ouais. Je vais te passer un son. Tu vas me dire si tu connais, ok? Ok. Hop, je sais pas, je fais des petits remixes. DJ Jounes. Joseph, c'est ta faute, c'est pas la mienne. Réalistique, il m'a de dé, Rouanes, DAK. À chacun sa vérité. Je connais pas. Tu connais pas ça? Moi, j'ai entendu MA2D hein, au début. Ron, c'est quoi? Viens. Vas-y, va commencer. Chacun sa vérité, du mensonge à la vérité. Réalistique, R.O.M.S, D.A.K. et majesté. Je suis au Blackjack en lançant les dés. Ouais, je l'ai entendu. T'as entendu ça? Non, je l'ai jamais entendu, mais là, je viens de capter MA22. Ouais. Voilà, c'est ton homonyme. T'avais un projet caché. Moi, je cherche la bagarre. Y a pas d'octogone. Ah, si tu veux, on va le trouver ou on s'explique. Ou il y en a un qu'il faut qu'il change de blaze. Il y en a un qu'il faut. Ouais, c'est lui. Parce que quand on tape sur YouTube, il arrive même devant toi. Hein. Je sais pas. Pour l'instant. Je te le dis. Pour l'instant. Mmh. Vas-y. Sur YouTube. Ouais. Et sur Google, c'est MA Déconstruction, MA de Déconstruction qui arrive devant. Ok. Donc, faut charbonner pour passer tout ça. Non, on est en train de faire ça, justement. Ça se construit. Ok, t'avais un autre merde à nous dire Non, c'est bon. Non, ok. On verra plus tard. Sois prêt. Oui, non, c'est bon. Il a plusieurs cartouches. Non, mais ça va, c'est cartouches, c'est pas du gros calibre. C'est gentil. C'est tranquille. Avant de passer à la suite, je te propose encore de diffuser deux morceaux à toi. Ceux que tu veux, comme ça, deux qui te viennent en tête que tu m'as donné. J'avais Oulala, j'avais. Tout gâché. Et après, je te mets lequel. Faut pas que t'oublies. Yes. Bon, bah, on va mettre ça. On envoie. On est toujours dans la 25e. Il est 22h26. On est là jusqu'à minuit. L'émission spéciale MA2D, ils sont venus exprès, les gars ils ont fait la route, il fait chaud, on va diffuser deux sons, c'est parti, et n'oubliez pas MA2D officiel sur tous les réseaux, yes. MA2D, MA2D, MA2D, Jota TT, MA2D. Ils veulent me tester mais ils sont tous morts. Ils voudraient pas que je perce mais ils ont tous tort. Nous on fait pas de bruit mais je fais beaucoup de sport. J'ai du bon produit, bientôt ça vaut de l'or. Dis-moi qui te produit, je te dis qui t'escorte. C'est moi qui conduis et qui mène le score. C'est pour mes homies et tous mes cadeaux. Du sale c'est promis mais gava tu dors. Je ne veux pas tout gâcher. J'ai le doigt sur la gâchette, Dis-leur qu'on est fâché, très fâché. Tout est MC et je découpe à la machette. Je ne veux pas tout gâcher. J'ai le doigt sur la gâchette, Dis-leur qu'on est fâché, très fâché. Les frères ont zombie, ne perds pas l'espoir. Fais pas le zombie, j'évite les messes basses. Et dans mes concerts y'a pas de playback. Les portes de l'enfer y'a pas de comeback. On te laisse des séquelles comme dans Homeback. J'bois à ta santé, j'ai pas signé le pack. J'pourrais me faire prouver un peu comme Tupac. Y'a pas devant le micro que tu deviens Tupac. Demain c'est nous, demain c'est toi. Tu fais le fou au-dessus des lois. Demain c'est nous, demain c'est toi. Tu fais le fou au-dessus des lois. MA2D du sale boy depuis longtemps. J'fais toujours attention à celle qui m'accompagne. Chacun fait sa route, pourtant chacun son destin. Mais au bout de la route, je sais que ça sent le festin. Photo t'es pas de chez nous si tu fais le miski. J'suis indémodable comme la coupe de Will Smith. J'pourrais pas changer, pourtant moi j'ai trop d'esquive. Faut me donner de la force un peu comme en Palestine. Je ne veux pas tout gâcher. J'ai le doigt sur la gâchette, Dis-leur qu'on est fâché, très fâché. Tout est MC et j'découpe à la machette. Je ne veux pas tout gâcher. J'ai le doigt sur la gâchette, Dis-leur qu'on est fâché, très fâché. Y'avait du son sale dans ma tête. Là j'ai les mains sales, ça j'suis prêt à arrêter. Là j'ai plus le moral ego, j'crois que j'suis maudit. J'ai quitté la haie, j'veux quitter mon dodi. Et puis dans la merde, je pourrais pas tout dire. J'le fais pour ma mère, j'veux pas la voir mourir. J'le fais pour mon fils, bien sûr j'peux le voir grandir. C'est loin d'être fini, j'ai des choses à accomplir. Demain c'est nous, demain c'est toi. Tu fais le fou au-dessus des lois. Demain c'est nous, demain c'est toi. Tu fais le fou au-dessus des lois. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. L'émission spéciale MA2D ce soir, la 25e. Mais plus son ça y est, je suis lancé, je suis dans la bonne voie. Chérie, tu mouilles, mais je n'ai mis que le doigt. Maman t'es des villes, la famille ça me ressemble pas. J'arrive dans ta ville un peu comme un attentat. On n'est pas débile, dis-leur qu'on vient d'en bas. J'ai plus que 6 coups, tout comme un Beretta. Ils font les 6 gros, mais laisse les fonds, fait du détail. Tu me vois au bistrot, mais ça c'est qu'un détail. Eh, c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies. Que c'est Dieu qui donne. J't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit. C'est pour la madone. Faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies. Que c'est Dieu qui donne. J't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit. C'est pour la madone. J'attends ma mixtape, que j'fais des freestyles. Beaucoup d'imposteurs, mais j'ai beaucoup de flair. Devant l'inspecteur, non, on sait qu'en faut taire. Tu parles de moi, boy, ta mère en poster. Tu parles de moi, t'es sur IP. J'fais du sale, je te le répète. Tu parles de moi, t'es sur IP. J'fais du sale, je te le répète. Qui va m'arrêter, telle est la question. J'fais que de gratter, j'ai de l'ambition. Y'a pas de récré, c'est hors de question. Tout est réglé, j'ai même des visions. Ils disent j'suis fêlé, j'pourrais passer en piston. J'peux pas m'arrêter, c'est comme une addiction. Depuis petit chef, j'attends l'ascension. J'ai le cœur qui saigne, j'en perds la notion. Eh, hey, j'en perds la notion. Eh, hey, j'en perds la notion. Faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies. C'est Dieu qui donne, j't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit. C'est pour la madone, faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies. Que c'est Dieu qui donne, j't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit. C'est pour la madone. Tu passeras pas l'hiver, nous on s'y rentrera en été. J'écoutais pas l'hiver, mais franchement y'a de quoi s'inquiéter. Un jour j'serai peut-être ouvert et je ne serai plus endetté. J'remercie ma mère, c'est la seule qui m'a allaité. La seule qui m'a allaité. Le paradis se trouve sous ses pieds. La seule qui m'a allaité. Le paradis se trouve sous ses pieds. Elle m'a donné du sale depuis longtemps, j'attends mon heure. Igo t'es pas content, j'ai pas ton temps, je te donne pas l'heure. Avant j'avais des frères, mais maintenant ils n'ont plus de valeur. Y'a des choses qui m'effraient, demande à ceux qui n'ont plus peur. Ce bas monde est chaotique, mais ça barre dans un Uber. J'ai toute la panoplie, on fait des sons quand toi tu dors. Je vise la carotte du poteau pour ne pas que tu t'en sors. Tu sais qu'on est maudit, je vois chacun toquer à ma porte. Je le vois toquer à ma porte. Toqué à ma porte. Faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies. Que c'est Dieu qui donne. J't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit. C'est pour la madone. Faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies. Que c'est Dieu qui donne. J't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit, j't'ai pas tout dit. C'est pour la madone. Faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies, faut pas que t'oublies. Que c'est Dieu qui donne. J't'ai pas tout dit. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, la 25ème, on est toujours là. 22h33, on est là jusqu'à minuit. Qu'est-ce que je voulais te dire? Mais en fait, tu chantes un peu, hein? Tu chantes un peu. Je voulais avoir comme ça, en tac au tac, ton avis sur l'utilisation de l'autotune, du coup. Ah, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre, est-ce que tu le fais, est-ce que tu le fais pas? Alors justement, ça aurait été il y a 5-8 ans, je t'aurais dit ouais, je fais pas ça. Okay. Comme tout le monde, hein. Mmh. Mais vu le business et tout, tu vois, on est obligé d'être dedans. Ok. Mais par contre, j'ai pas encore trouvé le fameux studio et tout, tu vois, que je pourrais faire en live avec l'autotune justement. Ok. Parce qu'en fait, tous les morceaux, là, tu les as posés où Il y a eu maquette. Ok. Maquette, et après, on a été enregistré dans un studio un peu plus pro, quoi. Mais okay. Pas pro. Ok. Toujours ouais. Sur Vesoul. Il y en a... Non, Besançon. Ok. Ok. Je vais passer dans les questions un petit peu plus influence, point de vue, anecdote. Mmh. Toutes ces conneries, tu vois. Là, tout de suite, si t'as un artiste qui te vient en tête, qui est une référence pour toi, ce serait qui? Pour moi que j'écoute? Ouais. Genre, c'est le gars, il t'a donné envie de rapper, ou je sais pas, tu vois. Ou même son personnage, ouais. Dossé. Hein. Dossé? Dossé. Ok. Si, si. Et pourquoi Dossé, d'ailleurs? Parce que Dossé, il rappe la street, tu vois, mais il chante maintenant aussi. Tu vois pas le bout de la barbe rousse, toi aussi? C'est la ouais, c'est vrai, c'est vrai, j'ai pas fait. Mais bon, Carré, c'est la feu aussi. Moi, quand tu regardes bien tous les gros rappeurs et tout, ils ont tous fait tout, ils ont tout fait, frère. Si, si. J'aurais pensé que t'aurais dit Ned Dog, moi. Ah ouais, mais ça, c'était il y a longtemps. Ok. Pourquoi t'as pensé ça? Parce que j'ai lu son interview. Mais parce que lui, en fait, eux, ils ont impacté sur tous mes yaourts. Ok. Tous mes yaourts chantés, c'est... Je sais pas. Donc t'es un peu un chanteur en herbe. Non, je suis pas un chanteur. Ouais, un chanteur, c'est Céline Dion, tout ça. Ouais. Ned Dog, c'est un chanteur, Ned Dog. Ned Dog, ouais, toi, tu le considères chanteur ou rappeur? Oui, oui, quand même. C'est un chanteur. Ouais, ouais. C'est un chanteur. C'est un chanteur. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, il fait les deux. Ils font les deux, ouais. Ok, donc Dossé alors, artiste référence. Un album référence qui te vient en tête? Là, en ce moment, j'en ai pas, frérot. T'en as pas un que t'as, tu vois, qui l'a saigné, tu vois. Ah si, avant, si, bah, si. Rien que Rof, Code de l'horreur, gros. Ok. Mais ça, c'était il y a longtemps. Après, c'est difficile de retrouver des sons comme ça maintenant, justement. Il y a plus, hein. Il y a plus. Ouais, ouais, ouais. Oh, mais c'est bien, tu vois, j'essaie un peu de cerner le personnage. D'accord. Comme donc, ça, tu vois. T'es plutôt un book old school, là. Ouais, grave, grave. Mais en fait, si tu veux, c'est que si tu regardes bien, même en old school, quand ils étaient old school, ils étaient déjà dans le futur avant. Ouais, ouais, ouais. Donc, si tu t'es basé sur ça, c'est-à-dire que toi, t'étais quand même. Pas au même statut que la nouveauté, mais un peu préparé. Donc, ça va. Bon, après, il y a quand même des artistes, puis des. Ben, je vois par exemple Dossé. Il a traversé le temps, tu vois, le gars. Tout à fait. Ouais. Ouais. Dossé. Et pareil aussi, Dossé. C'est incroyable. Dossé, tu vois, il balance pas des mixtapes comme ça. C'est-à-dire que même il balance des mixtapes, dans sa mixtape, il va avoir au moins 4-5 sons qui sont clippés. Tu vois, et ça, c'est une petite touche qu'il rajoute. C'est bien, je trouve. Exact. Le morceau du moment que tu saignes. Là, j'en ai pas, moi. T'en as pas? Clip? Est-ce que non t'as plus. Ok. T'as pas un clip là, un dernier là, clip que t'as vu? Là, je te promets, frérot, je bosse tellement que je regarde même pas les clips. T'es pas connecté, en fait? Non. Ok. Et bah, d'ailleurs, qui gère tes réseaux? Qui gère tout ça? Bah, justement, je gère un peu et après, on m'aide tout ça. Mais pour l'instant, on n'a pas quelqu'un qui gère ça, vraiment. Okay. D'accord. Et c'est du taf, beaucoup de taf. Ah bah oui, ouais, je vais bien te croire. T'écoutes que du rap? Non, justement, maintenant je suis ouvert. Maintenant, je peux écouter du Nekfeu, du Jul, du Dossé. Je suis obligé. Ouais. Ah, mais ça reste quand même. Ouais, ça reste dans la branche rap. Mais par exemple, si. Je sais pas, je dis nappe, si on te met de la salsa, tu vois. Est-ce que tu peux kiffer de la salsa je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. La musique française, genre, France Gall, tout ça. Je sais pas, ouais, j'ai écouté, mais je vais pas me buter à ça. Okay. Mais je vais écouter parce que les paroles sont vraiment lourdes et moi, il y a des sons aussi, tu vois, que j'aime bien. Quand il y a de l'émotion, c'est bien aussi. Yes. Tac, tac, tac, tac, la culture urbaine. On va parler un peu culture urbaine. Mm-hmm. J'avais posé la question, il y avait déjà des Vésuliens qui étaient venus, c'était Big et Zif qui étaient passés. Et je leur avais parlé un peu de la culture urbaine chez eux. Donc, est-ce qu'il y a des structures adaptées pour les mecs qui font du rap? Ouais, Vesoul et les alentours, on va dire. Tu ah, Vesoul, il n'y a rien. Dans votre secteur. Vesoul, c'est le mort de chez mort. Ouais, c'est ce qu'ils nous avaient dit, rien, tu vois. Il n'y a rien. Mais et c'est bien dommage, tu vois, parce qu'il y a des artistes quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que je me dis... Enfin, moi, je connaissais Brahms, tu vois, à l'époque. Ouais, tout à fait. Moi, c'est un bon pote à moi. Il y avait des mecs au Montmarin, Nobio, tout ça. Ouais, ouais, bah là, ils reviennent, là, ils reviennent. Là, je vois que vous êtes là. Enfin, tu vois, je me dis, comment bon ça temps, se fait que, tu vois, il n'y a pas de... Y a et même nous, le collectif, tu vois, on va aussi émerger des artistes. Ok. Ah, donc vous êtes déjà dans cette optique de développer d'autres personnes. Pour pouvoir faire des yaourts, des punchlines, tout. D'accord. Ok. Donc, culture urbaine, Vesoul, fake, quoi. Fake. Il n'y a rien. Ah, franchement, il n'y a rien. Si et c'est bien dommage, comme je répète. Franchement, c'est dommage. Et la scène là, qui a eu le 21, là, c'était de votre organisation? Non, c'était par le biais du SIJ. Ok. Que je remercie beaucoup Farid du SIJ, d'ailleurs. Yes. Ben, Kirikou, qui était avec nous, il a fini là-bas. Ah, oui, tout à fait. Big également là-bas. Aussi. Il y a Big. Et puis il y avait. Capello aussi. Capello. Il y avait Capello. Il a mis son masque? Ouais. Si, si. Toujours. Toujours, il faut. Je lui avais volé l'autre jour son masque. Et il devait y avoir deux autres jeunes qui devaient venir, mais ils avaient une scène le lendemain et au final, ils ne sont pas venus, je crois. Ouais, c'est ça. Grazino et RDZ. Bref, voilà, au passage. Merci. Merci. L'info. Si tu devais comparer un peu les structures et tout ça entre Vesoul et Maison Alfort, est-ce que toi, à l'époque... Ah bah oui, c'est ça. Fou celui-là. C'est non mais ça a rien à voir, frérot. Et c'est justement, c'est ce que moi je sais, tu vois. C'est plus pour les gens qui écoutent. C'est tellement facile. C'est tellement facile. Après, c'est mystique, frérot. Et moi, je voulais pas rentrer tout dans. Et même là, je vais pas rentrer trop dans le sujet. Mais c'est tellement facile, tellement d'opportunités, tout que. Ok. Voilà quoi. Ok. Vas-y. Ton lien avec Jeff Prod. WRC, Prod. Alors, Jeff Prod, c'est le directeur artistique. C'est mon directeur artistique. Okay. Et comme son nom l'indique, hein, tu vois, il gère tout ce qui est sur l'image, tout ça. Ok. Les choses que je dois faire, pas faire. Parce que comme je t'ai dit, là, je suis là maintenant sur les réseaux, mais j'ai quand même une direction. Ok. Juste Jeff, sur Jeff. Ouais. Jeff, on dirait c'est un homme, il signe que des contrats, il signe que des mains. Ouais, ouais. Super, le contrat. Non, je reste discret, on essaye. Hein, bah, t'es discret, t'es là à signer guillemets, des quoi. Mains tout le temps. À signer des mains, qu'est-ce que je raconte moi? Signer à serrer des mains tout le temps. Donc, du coup, t'es directeur artistique, c'est ça? Ouais, c'est voilà. Ça. Donc, je fais juste une petite parenthèse. Donc, ça veut dire que tu valides l'image? L'image, le son le avec son un autre gars du collectif. Ouais. Les réseaux aussi, on voit ensemble un petit peu. Ouais. Les scènes, tout quoi. Okay. Les feats aussi. En fouillant, j'ai regardé un peu, tu gères aussi Irvine. Ouais, c'est Melvin. Ça. Irvine, il est là. Irvine, ok, il est là. Ça. Donc, t'as validé qu'il fasse un pique-nique en veste de costard. Ouais. Hein? Ouais, mais c'est lui qui avait déjà tout préparé. En veste de costard, il pique-nique normal. C'était carré à la seconde. Ok. C'est un pique-nique smart, mon gars. Romantique. Hein. C'est ça ton problème, toi, Irvine, tu pique-niques on va parler un peu après, parce que dans ton clip, je vois ta meuf est à griller. Tu la zouk et c'est bon. Tu vas m'apprendre comment. tu vas m'apprendre parce que chez moi ça se passe pas comme ça. Ok, donc bon. Jeff Prod, directeur artistique alors. C'est ça, au sein du collectif. D'accord. Et depuis combien de temps du coup vous taffez ensemble là? Février à peu près. Ouais. Ok. Ça fait pas longtemps. Yes. Bah du coup nous on a vu, hein, on a vu qu'en vrai t'as apparu vraiment en mars, tu vois. Pam pam d'un coup, tu vois. Une naissance vraiment. C'est louche, je veux continuer à creuser. Creuse, frérot, tu peux creuser. Et WRC Prod, on peut en parler ou pas? Comme vous voulez. Je sais pas. Moi, de base, moi je vois ça comme un truc de rallye. Ouais, WRC. Moi, j'étais là, ça allait faire des freins à main, tout ça. Mais non, il y a une caméra. Guillaume, tu veux dire un petit mot ou... Tu vois, viens là si tu veux. T'es plus près. Donc Guillaume, en fait, il est derrière moi, il tient une caméra en même temps. Réalisation. En même temps qu'il fait des freins à main. C'est un couteau suisse. Autodidacte. Autodidacte. Ah ouais, bah nous on a ouvert la sauce WRC Productions avec Jeff. C'est avec lui que je l'ai créé. On s'occupe des artistes, du visuel, etc. Ah, c'est lourd. Franchement, c'est cool ce que vous faites. Ouais, je t'ai dit, si c'était dans des grandes villes, ce serait bien. Vous êtes des gars bien. Oh. Et en parallèle, Jeff, il peut trouver des dates pour des concerts à des artistes, etc. aussi, des petites scènes, etc. Donc okay. C'est plus ça, on s'associe avec des structures comme le CIJ de Vesoul, la mairie, etc. Et on essaye de faire ça tous ensemble pour nous donner de la force un peu à tout le monde. Quoi. Il a le contact avec le maire, j'ai vu. Ouais, mais vite fait le maire hein, quand même. Ah, dis pas ça. On verra. Pourquoi WRC du coup, juste question? Ça vient d'où? Ah, parce que poto, moi je suis fan de voitures. Ah ok, tu vois. Il faut des freins à main et tout, non. Ok, merci. Donc, WRC Prod, qui était à l'origine de l'initiative du concert de Naps. Ouais, franchement, déjà super, franchement. Il y a quelques temps, déjà 2 ans, je crois, 3 ouais, ans. Ouais, 3 ans. Pour Vesoul, c'est bien. Ça passe. Okay. Hein. Oh, c'est bien, c'est lourd ce que vous faites. Jeff le bras long. Jeff. Ouais, vite fait. La main d'acier. La main d'acier. Faut qu'elle pousse. Du coup, MA2D, si tu devais mettre des mecs de chez toi. Alors, si je dis chez toi, on va dire Vesoul, tu vois. Enfin, ok, Vesoul. Si tu devais mettre des mecs de chez toi en avant. Ouais. À part vous, évidemment. Ce serait qui? Est-ce qu'il y aurait des mecs qui, pour toi, ils sortent du lot ou ils méritent de sortir du lot? moi, pour moi, chaque artiste mérite, frérot. Ok. Tu vois, à partir où il produit quelque chose, c'est déjà bien. Donc voilà, après, moi, je t'ai dit, il y a beaucoup d'artistes qui sont là à Vesoul. Je t'ai dit, Big, Incognito, Nobio, tout ça. Ils sont tous là, frère. Et c'est pour ça que je te dis qu'à Vesoul, il y a du potentiel, énormément, énormément de potentiel. Je vais rebondir là-dessus, ma question favorite. Tu as dit que tout artiste mérite. À Vesoul, il y a bien un rappeur qui est flingué, pété, nul à chier. Je te demande pas de dire son nom. Ouais, mais même moi, je juge pas parce que tu vois, même s'il est flingué, pété, ça peut plaire à un et ça peut pas plaire à l'autre. D'accord. Donc toi, un rappeur que toi, tu trouves flingué, pété, nul à chier, il vient ouais. Et te dit, M.A.2D, viens, on fait un feat. Bah, par contre, je t'ai dit tout à l'heure que moi j'avais une direction. Mmh. C'est-à-dire que si lui il le valide pas, je peux pas le faire. Ouais, bon, faut que je pose la question à Jeff. Jeff. Oh, ouais. Il y a un rappeur plein qui nous a chié, éclaté, tu vois. Éclaté au sol, comme il dit. Il vient et te dit, ouais, gros, j'aimerais bien faire un feat avec ton artiste. 2000 balles. C'est tendu, hein. Attends, il y a quoi qui est tendu? T'aurais dit 1 million, c'est mieux. Non, non, non, attends, ça c'est la question qui vient après, ça. Calmez. Pour 2000 balles, on fait un feat. 2000 balles, faut voir. 2000 balles, ça met de l'eau un peu dans le moulin. Hein. Ouais, mais ça nique l'image aussi. Le clip, il sort. Tout ça. Ouais, je suis d'accord. Il paye le clip. Le studio, il est payé. Ouais. Le master, il est clair comme de l'eau de roche. Vous avez juste à partager 2-3 fois le clip. C'est tout, pour 2000 balles. On aurait une réunion, je pense. Peut-être, ouais. Mais c'est pas vraiment, sûr. C'est flingué, c'est mort. Pas sûr. Ouais, c'est sûr. On veut que les gens ils aiment les musiques qu'on fait, quoi. D'accord. Et pour 10 millions, moi je suis Def Jam Besançon. Attends, c'est pas la même question. Def Jam Besançon. Je viens pour 10 millions, je vous dis, vous abandonnez toutes vos. Enfin, tous vos plans artistiques. Ouais, okay, ouais, voilà. Vous faites ce que j'ai envie, faites de la merde pour 10 millions. Oui, et même si il me dit non, je le fais. Et comme je t'ai dit, ouais, après je fais ces trucs qui veulent le label ou je sais pas. Ouais, ouais. Et après je recrée un label. Voilà, ok. C'est bon, ça marche. Les gens honnêtes, déjà honnêtes. Jeff, bah oui. Jeff, on va discuter. Il a dit passe à la caisse de toute façon. Sois malin, c'est simple. T'as déjà fait des scènes toi un petit peu ou pas? Oui, vraiment un tout petit peu. Ça se compte sur les doigts d'une main? Oui, tout à fait. Ah, ouais. Okay. Ouais, ça fait que 2-3 mois là, on est là. Ok. Toi, tu m'intrigues fort, hein. J'ai vu, t'as fait une scène devant des enfants, là. Oui, tout à fait. C'est comment de rapper devant des enfants? Bah, moi, je kiffe parce que tu vois, justement, j'ai des sons qui sont adaptés pour les enfants. Oh, comment ça, tu m'as fait bugger, là. En fait, peut-être, je me suis mal exprimé. Pas adapté, genre la c'est Black fait M. pour... Voilà, t'as compris, de toute façon. Okay. Pas de gros mots. Voilà. Avec la petite côté Joule, la petite truc. Okay. T'as compris le game en fait. Voilà, c'est exactement ça, frérot. Moi j'avais pensé à faire une musique j'aime ma maman, enfin des musiques d'enfance, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, genre des trucs tout con quoi, genre ma mère. Bah écoute, lance-toi frérot. Hein? Lance-toi mon vieux. Tu me signes ou quoi? Chaud. Vas-y gros. La poigne d'acier, on t'a dit. Vas-y, on s'en reparle après encore. Voilà, plein de sujets à aborder, toi et moi. Sur le peu de scènes que t'as fait, est-ce qu'il y en a une où tu gardes un meilleur souvenir que les autres? Oui, celle du Montmartre, j'ai bien aimé. Ah, mais. C'est la même que. Ouais, c'est ça. Big ouais. Ils étaient aussi. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Okay. Ils nous ont dit la même chose. Ils ont dit que le public il était chaud de ouf. Ouais. Ah, c'est le Montmartre, ça. Et puis, j'ai bien aimé parce qu'il y avait des groupes, tu sais, ils chantaient le son. Okay. Alors que. Yes. Tu vois, ils l'avaient pas forcément entendu et tout. Ils l'ont juste entendu en balance et ça m'a fait grave plaisir. Yes. Ok. C'était quoi déjà ce concert là? Au Montmartre? C'était pour une culture urbaine, je crois, un truc comme ça, pour la danse et tout. D'accord. Mm. Ok. Yes. Papa, dans Maître Splinter. Ouais. Dans le clip. J'ai analysé le clip. C'est qui ce mec là que t'attaches là? Ah, c'est mon gars sûr. C'est un comédien. Non, il est ouais, pas ici. Je t'ai pas reconnu. Non, mais au-delà du comédien, c'est qui? C'est un membre du collectif. Ouais, mais si là, t'enlèves là, le membre du collectif, qui c'est en vrai que t'attaches là sur cette pierre ou je sais plus c'est quoi? Tu fous dans le coffre ou tu lui fais un truc sale? Il le sort du coffre. Ouais, voilà, c'est ça. Il le sort du coffre, il le promène comme un sac de pommes de terre déjà. Après, on le pose. C'est irrespectueux. On lui pose quelques questions. Non, mais on voulait faire un petit truc sombre, tu vois. Ok. Et même la grotte, tout ça, le lieu qu'on a utilisé, c'est assez sombre. Et t'as trouvé, enfin, pourquoi, enfin, on sait que c'est de la fiction, et pourquoi mettre tout début en premier. Alors ça, c'est surtout une question par rapport à que j'avais peur que la vidéo soit retirée de YouTube. Donc on fait les choses carrées, tu vois, et on sait qu'il y a un peu de scène un peu violente, donc on le signale et voilà. Ok. Yes. J'ai vu aussi dans une de tes dernières publications, je crois, t'annonçais un projet. Ouais. Donc le projet, c'est Chacalerie. La Chacalerie volume 1, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler du projet? C'est un projet qui va comporter 6 titres. Ok. Donc un petit peu street. Sur les deux derniers titres, on va partir un peu plus dans le côté, on va dire, pour tout le monde et tout. Ok. Mais principalement quand même assez street. Ok. Il sort en 2020 ce projet? Oui, oui. Non. Ah. Ah, ah non, année, non, il sort là, là. Pardon, désolé, j'ai... C'est quoi qui sort en 2020? J'ai pas capté. Ah, 2020, il y aura d'autres projets. Ok. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y, gros. D'habitude, c'est toi qui me coupe, mais vas-y, je te coupe. Pas faire la bagarre. Vas-y, tranquille. Non, moi, j'avais une question sur ta communauté, tu les appelles les Chacaleros, c'est ça? Ouais. Pourquoi Chacaleros? Parce que tu savais pas comment dire Chaco au pluriel ou quoi? Non, je trouvais que ça sonnait bien. Ok. Chacaleros. Ok. Les vatos locos, les quoi? Chacalerie, quoi. Les rayos, les... Normal. Ouais, bah... Non, il fait chier, il est là pour... Non. Mais je suis gentil, là. C'est gentil, c'est gentil. Je suis un gars bien, maintenant. Dans le peu de laps de temps, là, depuis février, est-ce que tu peux nous raconter, s'il y en a eu une, la pire anecdote musicale que t'as pu avoir, s'il y en a, tu vois? Ah ouais, moi j'ai fait un seul son que j'aime pas de moi. Ok. Et je trouve qu'il est... C'est une anecdote, genre. Enfin, j'aime pas trop. Pourquoi t'aimes pas? On t'a forcé à le faire? Est-ce que c'est Jeff qui t'a forcé à le faire? Non, on engage des trois personnes. C'est un remix de Daniel Balavoine, Sauver l'amour. Ok. Est-ce qu'on a le son là? Non. Il est pas sur le projet? Non, ça c'est un projet à part. Okay. Envoie-le nous. On le met sur YouTube, on te tag. Mais comme je t'ai dit, voilà quoi, on est ouvert, on vise tout le monde et moi c'est ça qui m'importe. Attends, question philosophique. Est-ce qu'à force de vouloir toucher tout le monde, on ne touche personne? Bref, un truc comme ça, t'as compris? Non, c'est pas faux, ça fait réfléchir un peu quand même. T'as 2 heures. Ah, tu le laisses comme ça maintenant? Non, non, non, non, mais c'est ma question. Non, mais vraiment, réellement, est-ce que à force de, tu sais, tu te dis j'ai envie de faire un truc plus large possible, bah en fait tu touches personne quoi. Parce que on prend pour exemple, je vais prendre Black M. Oui. Il a ciblé son truc, il sait vraiment qui il vise, tu vois, il s'en fout des mecs de la TS, machin, tu vois. Il n'y a plus trop de son style. Ouais, mais maintenant, alors qu'avant, quand il était avec Section, tout ça. Ouais, mais maintenant faut qu'il mange. Voilà. Mais maintenant il fait plus, quand il arrive à faire des sons genre je suis énervé, je suis de la cité, ça marche plus, tu vois. Il a perdu son public d'avant. Je suis d'accord avec toi. Donc, est-ce que vouloir faire de tout pour tout le monde, c'est finalement toucher personne? Bah, justement, on essaye aussi de rester, comme je t'ai dit, il y a ce côté street même dans les sons commerciaux. Tu vois? C'est-à-dire que j'arrive à faire cette touche de street dans des sons un peu plus comme. Ok. De toute façon, après, il va y avoir le freestyle, gros, tu vois. Voilà, ça c'est. Là, le projet Chacalerie, voilà, c'est mon premier projet. Ok. Et là, on va voir. Yes. Comme t'es un mec des années 90, ouais. Une question que j'aime bien poser aux mecs des années 90, puis aux autres aussi, c'est pour toi, quelle période est l'âge du rap français? L'âge d'or du rap français? Ha. Bah, moi, je pense qu'il est même pas encore à son apogée, là. Oh, Seigneur Dieu. Ok. Et pourquoi? Parce que pour moi, le rap, là, il va prendre une ampleur de ouf. Okay. Les 5-10 prochaines années, ça va être. Le rap, il va même dépasser la variété. Ok. Ah, c'est je déjà, crois même que c'est le déjà, cas. C'est déjà, c'est déjà. Tu vois, on y est déjà. Et la variété, c'est énorme quand même. Ok. Après, Johnny, c'est des vrais stars. Ouais, mais là, là, le rap est devant tout cela. Hein. Devant tout cela. Mais après, moi, la question que tu voulais poser, c'était plutôt en termes de vente ou en termes de. Ah, bah après, justement, là, du coup, j'ai vu. J'ai vu que lui il était plus côté médiatisation, exposition du hip hop, du rap, tu vois. Après du coup sur la qualité, Qu'est-ce que t'en penses de le rap d'aujourd'hui? Est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu kiffes pas? Tu vois, je sais pas. Je te dis ça, si, tu vois. Si, il y a des sons que je kiffe, franchement. Et après, il y en a d'autres que je kiffe moins. Mais aussi, tu vois, il y a des passages de ma vie qui ont changé. Il y a des choses que je fais que je faisais plus, pas avant. Il y a des choses que je fais plus et tout. Donc, certains sons que j'écoute plus. Mais ouais, je me retrouve dans le rap là actuel. Okay. Largement. Ok. Très bien. Très bien. On y vient, le collectif Atypique. Atypique. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Bah écoute, moi j'ai monté le collectif, si tu veux, pour que on s'entraide au sein du collectif, qu'on puisse produire, donc en l'occurrence moi. Ok. À côté de ça, on a aussi également une marque qu'on a créée de vêtements, donc on s'entraide aussi par rapport à ça. Et bah, comme tu le sais, tout seul on peut rien faire. Et pour un projet comme le nôtre et la direction qu'on veut prendre, il faut beaucoup de monde, énormément de monde. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Ok. Donc là t'es sapé en, ouais, en atypique, ouais, de la tête aux pieds. Pas vous de faites, la tête aux pieds, mais... Ouais, vous faites quoi? Casquette, t-shirt? Casquette, t-shirt pour l'instant. Pour l'instant. C'est une casquette atypique, ça? Oui. Ouais, sympa. C'est pas, merci, mal, hein. Sympatoche, ouais, ouais. Sympatoche. Merci beaucoup. Le petit pic comme ça, là. Yes. J'ai vu l'autre là-bas aussi. Il y en avait une autre aussi. Pas mal, pas mal. Ça se bibi combien tout ça? Bah tu vois, pareil. Où surtout? Bah on a, pour l'instant on n'a pas un... Vous avez pas de site, vous avez, voilà, rien, c'est encore. Ça, pour l'instant non. Ouais, ça se donc, développe encore. C'est en phase de développement. Jeff, okay. Accepte les 2000 balles et puis on développe ça. Ouais, on va y arriver petit à petit, c'est bon. Ok, donc collectif atypique, dedans c'est quoi en fait? Il y a un rappeur. Voilà. Il y a qui autour de toi en fait? Alors, bah, y a le directeur au niveau, on va dire, des statuts qui sont là au niveau professionnel et tout, qui tournent autour, c'est bah, direction artistique, manager, tout ce qui est mixage, mastering, les réseaux, les publications, les clips, et pour l'instant c'est tout. Ok. Et à côté de ça, il y a la marque. Tout le monde dans la pièce ici a un rôle? La plupart, ouais. Ok. Vous êtes combien en tout? Une dizaine? Au début, ouais, on était 15. Ok, un d'accord. Peu plus de 15, ouais. D'accord. Et si tu veux, si tu fais partie du collectif, après, t'as des réductions. Par exemple, il y a moins 5€ sur chaque article que tu vas acheter. Okay. Mais moi, je veux une casquette, là, tout de suite. Je fais comment? C'est 15€. Mais après, c'est la famille, on voit ça ensemble, frérot. Vas-y, on voit après. T'as... Ah, il est refait. Mais t'aurais dû me dire avant, j'en aurais ramené, là, on a rien ramené. Là, il va sortir, il va taper dans le dos de Jeff. Ah, sort. C'était bien et tout, tu vois. Ah, tu vois. Tu vas où ce soir? Tu fais quoi? Tu vois. Ok. Sors le cocher, Jeff. Ok, donc il y a les t-shirts, il y a les casquettes. S'il y en a qui en veulent, vous contactez Emma 2D, Jeff Prod. Ah, n'hésitez pas à demander. On va lancer des photos du truc. Ouais, bah mais ouais. On attend parce que on veut pas être illégal, tout ça. Donc on veut sortir carré, propre. Lourd. Pas de problème. Yes. Okay. Parce que justement, le créateur de la marque, il voit les choses en grand. Donc, il se cache là-bas. Mikey. Mikey, c'est l'homme de l'ombre en fait. Ouais. Mikey, ça, lâche... Tu vois, c'est lui qui a fait les derniers modèles là. Avec lâche ta casquette. D'accord. Mike. Viens, moi j'ai vu avec Jeff, il m'a dit c'est bon. Et moi je suis associé à lui, donc du coup. Okay. Parce que c'est lui qui a créé la marque. Ok, mais c'est pas encore officiel quoi. Non. Oh, mais c'est lourd, c'est très lourd. Bien, bien. Très lourd. Merci beaucoup. Là, aujourd'hui, 2019, t'es arrivé en mars. T'as un projet qui arrive dans l'année. Mm-hmm. Peut-être un à l'année prochaine. C'est ça. Si on devait se projeter dans 5 ans, aujourd'hui on est en 2019, tu te projettes dans 5 ans, là tu t'imagines comment dans 5 ans? Bah déjà j'espère que j'aurai sorti des projets, et après le collectif j'espère qu'il va s'agrandir un peu, pareil pour la marque, et si on a les ressources nécessaires, tu vois déjà il y a déjà des gros projets qui sont dans les courants qui vont arriver, qui vont demander beaucoup de moyens. Mais le projet après final, il y aura encore beaucoup plus de moyens. On voudrait faire un peu le tour de l'Europe. Ok. Et poser dans chaque pays, tout ça. D'accord, ok. Avec, tu vois, 7-8 membres du collectif dans un van, on part tous.